Elle m'a touché en plein cœur, elle m'a touché en pleine cible. Elle a rendu mon heure un bonheur impossible. Elle a su trouver les mots en virtuel. Et je me suis dit c'était elle. Alors on se dit des mots d'amour. Et un jour on se donnera un rendez-vous. Et ce jour-là est arrivé. C'est le jour tant espéré. Et je m'approche de plus en plus vers toi. Et je vois le message défiler. Et je m'approche et je te vois. Oh merde, t'es vraiment trop moche. T'es vraiment trop moche. T'es vraiment trop moche. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Quand je te vois, à vrai dire je ne peux pas. Non, je ne peux pas me dire que ça. Je le verrai à chaque matin à mes côtés. Non, je ne pourrai jamais vivre avec ça. Je ne suis pas méchant, je suis sincère, crois-moi. Si tout avait commencé, t'aurais déjà détesté ma sincérité. Et j'ai appris à te connaître, mais ça n'a rien changé. Que ce soit du physique ou dans la tête, pour mes yeux. T'es vraiment trop moche.